C'était la 62e édition de la Traversée internationale de Robert Bert. Ça a été également en mon nom et au nom de tous les membres du hockey mineur, nous voulons féliciter Samuel Girard pour son rang de sélection lors de la dernière séance de repêchage tenue à Buffalo. Samuel est un exemple pour tous les jeunes hockeyeurs de Robert Bert et de la région pour sa grande détermination, son courage, sa ténacité. Donc nous souhaitons un franc succès à Samuel pour les années à venir. En 6h27, 59 secondes, Danny. Dans des conditions idéales, la température de l'eau est un peu froide au début, 66 degrés Fahrenheit. Vers Robertval, on a fini toute la journée à 70 degrés. Si ça n'avait pas été du fait que notre Américain, le gagnant, a eu un petit peu froid, un petit peu de difficulté à uriner, lorsqu'il fait froid, surtout chez les hommes, là, ça devient de plus en plus difficile là, d'uriner durant la course. Okay. Fait que là, lui, ce qu'il faisait, c'est que là, il prenait la tête. Là, quand il était comme capable, ben là, il fallait qu'il urine. Parce que ce qui arrive, là, c'est faut comprendre que les nageurs font environ 250 millilitres aux 15 minutes. Donc, environ 1 litre. Quand ça fait 2-3 heures, ça fait 2-4 litres de liquide dans la vessie. Donc, tu comprends que le goût d'uriner, c'est normal. C'est la vie qui est faite comme ça. Et là, lorsqu'on a très envie d'uriner, puis qu'on nage, on pense juste à ça. OK. Il arrêtait, il commençait à la fin du peloton de tête. Il prenait un retard, il recomblait l'écart, il retournait en avant, il retournait en arrière. OK. Si ça n'avait pas été du fait qu'il y a eu un peu de début, parce que les gens qui étaient à l'arrivée ont vu que le soleil était là quand même toute la journée à Robertval, mais nous, sur le lac, entre 8 heures de faire la course à mon corps jusqu'à environ 11 heures, on était sous les nuages. Ouais. De 11 heures, après environ 3 heures de course, que là, le soleil est sorti. Et là, ça a aidé beaucoup notre Américain, qui a vraiment fini en force. Fait qu'il est pas minute du record. Mais je crois que s'il n'avait pas joué au début, ça aurait été beaucoup plus facile pour lui là, de compléter sous le 6h22 minutes 48 secondes qui avait été établi par Stéphane Lecor en 2000. Est-ce que c'est un petit peu, on peut dire, d'un manque peut-être d'expérience, on peut-tu parler de même? Parce que bon, tu sais, quelque part, tu parles de problèmes d'uriner et ainsi de suite, mais un athlète, il sait qu'il va uriner durant la compétition. Est-ce qu'on peut parler de comment jauger avec la distance vis-à-vis son corps et ainsi de suite? Non, mais je pense pas vraiment, Danny, qu'on peut parler d'un manque d'expérience. OK. C'est occasionnel à la journée, à la température. Moi, personnellement, j'ai traversé le lac Saint-Jean sans surprise. Puis, c'est des années que j'avais pas de difficultés. Il y en a d'autres que j'avais plus de difficultés. Fait que ça dépend vraiment, là, c'est vraiment conditionnel ou circonstanciel à la journée et non pas au fait que ça fait la première fois qu'on fait la traversée ou que ça fait une dizaine de fois. Moi, personnellement, à ma première traversée, j'ai eu quelques difficultés au début, mais j'avais également des difficultés à la deuxième, troisième, quatrième, j'avais pas de problème. Et des fois, à la cinquième, sixième, souvent, c'est le plus difficile qui est pour la première fois dans la journée. Quand on continuait, ben, ça venait plus facile. Il faut comprendre que c'est pas évident. Là. Ça a l'air facile comme ça, qu'on prend ses lunettes, on va à la salle de bain, mais quand on est en plein milieu du lac Saint-Jean, en compétition en train de nager, là, surtout chez les hommes, c'est un petit peu moins difficile. OK. Si on y allait maintenant avec les autres, Xavier, ben moi, le fascinant aussi, c'est de voir Xavier Desharnais. Qui a gagné la traversée en 2014, gagné en 2015, fini quoi au 10e rang, puis c'est un petit peu des problèmes en début de course qui explique un peu son rendement. Oui, mais vraiment, c'est vraiment été difficile pour Xavier Desharnais. Au tout début, après 500 mètres, moi j'en croyais pas mes yeux, Danny. Ouais. Après 500 mètres, il y avait soit 50 mètres à 75 mètres d'écart sur la tête. Et là, je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. Nageait aux alentours de la 23e position sur 25 nageurs. Donc là, je voyais bien qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Je pense que c'est quelques facteurs. Il était un petit peu nonchalant au départ et il ne pensait pas que ça allait partir aussi vite que ça. Par la suite, il a eu mal aux épaules. Il avait mal aux épaules. Il dit que les 3 km étaient difficiles. Parce que moi, j'allais le voir. On allait voir régulièrement notre embarcation. Il nageait. C'est pas qu'il nageait mal. C'est juste que c'était une mauvaise journée pour lui. Puis on le sentait, Danny. Durant la semaine, il essaie de trouver... Il y a plusieurs choses qui... Plusieurs petits détails qui ont eu peut-être des conséquences au niveau psychologique. C'est certain que quand tu lances à Péribonca pour 32 km, tu as besoin d'être dans un état d'esprit confortable et t'assurer là, d'être bien physiquement et surtout mentalement aussi d'être prêt à aborder ce course-là. Je pense pour Xavier, il y a des choses qui l'ont dérangé, le fait qu'il était obligé de faire le 10 km final. Ben oui, c'est ça, c'était ça exactement. Donc là, tout ça, ça c'est non en ligne de compte. Comme également Xavier Philippe Guertin. Philippe Guertin, qui a remporté les 10 km final jeudi dernier à Robertval, dans la rade de Robertval. Et là, samedi, mais après 50 minutes, il a décidé d'abandonner parce que pour lui, là, il se sentait pas prêt, prédispo. Et donc, à partir de ce moment-là, là, il trouvait que la run, en bon québécois, la run vers Robertval, là, elle est un petit peu trop longue. Donc, ça fait partie de la game, là, en ce côté. Je veux dire, 32 km, on fait pas ça tous les jours. Non. Mais bon, Xavier nous a promis à son arrivée, là, je lui ai attendu de parler, sur ce qui est arrivé. Mm-hmm. Il nous a dit qu'il allait de retour, retour l'an prochain plus fort. Moi, ce qui m'a surpris beaucoup d'années, c'est la performance de Jade Sarr. Oui. Première participation, deuxième position, elle établit le record canadien, là, sous les 7 donc, elle a retranché le 25 minutes environ du record canadien. C'est sûr que c'est des conditions idéales. Comparé les temps roulés, c'est pas non. Mais, du sablon, c'est ça à retenir. Parce que la première dame, là, c'était tout qu'un numéro, toute qu'une fusée. Olga Kuzida de la Russie, ouais. Qui a fini, qui a remporté chez les femmes, Denis, mais qui a quand même terminé troisième au classement général. Elle a battu au photo finish. Tommy Stephanie qui a remporté là, en 2013 et en 2014. OK. Si on y allait maintenant avec ce qui s'est passé du côté... je reviens sur Xavier Dernais. Le 10 km, oui. C'est pas une bonne idée, hein, vraiment, hein, à deux jours de la vie, là. Non, c'est pas une bonne idée. C'est la Nation Canada qui ont décidé que le 10 km à Robertval est une qualification pour les champions, pour les prochains champions du monde en juillet 2017, donc dans un an, du côté de la Hongrie. Xavier a décidé d'essayer la course, de faire la course, d'essayer de se qualifier pour les mondiaux. Ça n'a pas marché. Mais je pense que Xavier, lorsque vu, là, à la mi-course du 5 km jeudi, qu'il était peut-être plus difficile pour lui, même au 10 km, c'était presque impossible de se qualifier pour les mondiaux. Il aurait peut-être dû se retirer, mettre fin à sa compétition de 10 km et se concentrer pour le 32. Mais comme je te dis, c'est multifactoriel. Je pense pas que c'est seulement à cause du 10 km de jeudi. Je pense qu'il y a eu également là d'autres distractions. Il y avait des problèmes des ennuis. Il y a eu des problèmes durant l'année, des hauts et des bas. Donc, malheureusement, c'est pas surprenant de voir que pour lui, c'était une traversée. Moi, je pense que Dani, il y a un point qui est important de souligner quand même, Xavier. C'est un ancien champion, double fois champion du Lac-Saint-Jean. Et malgré le fait que c'était difficile, il a décidé de rester dans la course. Ouais. Malgré du fait qu'après 2 heures de course, c'était 500 mètres, on menait 1 kilomètre, on menait 1.5 kilomètre derrière les premiers, il décide de rester dans la course et ça, c'est tout à son honneur. Ouais. Faut le dire parce que soit il y a beaucoup des champions en titre, longtemps dans les, après une performance, après un début de course difficile, il va frapper beaucoup d'athlètes dans le chemin. Là. Même si la détermination de rester, sachant que ça n'allait pas combien de la chance des 2 dernières années, puis que là, il a fait une performance là, où il a fini 10e au classement. OK. En terminant, je veux te parler de la traversée. Il y a plusieurs personnes qui s'en vont. Hein. Je pense qu'entre autres, Kim Privé, qui s'est longtemps occupé des médias, je pense que c'est cette dernière année. Également, moi, c'est drôle, hein, j'ai demandé à Ginette Fortin, la présidente, si elle est de retour, puis elle m'a pas dit oui. C'est normalement, quand tu dis pas oui, ça veut dire que t'en reviens pas. Ça marque que c'est mon opinion bien personnelle. Il faut peut-être s'attendre à des petits changements au niveau de la traversée, là. Oui, puis je pense que c'est normal. Ouais. Par exemple, mon père, à travers beaucoup de temps, de quitter. Et puis, c'est des gens qui investissent beaucoup. On voit tourner la traversée en une semaine, mais eux sont des. Hélène. Ça vient amputer ces gens-là, plein de vacances. Donc, le fait une organisation comme celle-là, roule beaucoup et Je vais. Je vais te laisser, Marc-André, parce que la ligne est très, très mauvaise. Donc, un gros, gros, gros merci. Lac Mégantic dans deux semaines, c'est ça? Oui, tu sais, Lac Mégantic, Marie, Jean, Anjou. OK. Fait qu'on va se rappeler dans deux semaines. Marc-André Leclerc de Planète 99.5.